La mémoire. Le grand-père dit à son petit-fils : Si on devient âgé, on perd trois choses. Quoi alors ? Demande le garçon. D'abord, c'est la mémoire. Et les deux autres choses ? Celles-là, je les ai oubliées.